émission et puis un sujet en cachant justement un autre, cette fois-là en RCA, avec donc les BRICS qui s'engagent dans 6 projets d'envergure, développement d'industries minières, des transports, d'énergie, de la monnaie, autres infrastructures digitales ou encore la création d'une nouvelle ville sont entre autres projets que va donc conduire l'alliance des BRICS dans ce pays de la CEMAC sous la supervision de la Russie, annonce faite le 11 avril dernier par Larissa Zelentsova, présidente de l'alliance des BRICS, lors de sa visite au pays du président Faustin Akanji Touadéra. Nous ferons le point dans cette émission avec M. Awadon Melo, représentant de l'alliance des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qui est d'ailleurs notre invité. Voilà, messieurs, le sommaire de cette édition de Jeux économiques. Les débats dans un instant. Afrique Média, le monde, c'est nous. Et voilà, nous sommes donc fort aise de vous savoir une fois encore très nombreux à l'écoute de ce programme géoéconomique sur Afrique Média Télévision. Entre les BRICS et le G7, l'Afrique peut-elle bouleverser l'ordre économique mondial? On fait le point avec nos invités qui sont avec nous en plateau central, mais surtout en multiplex, un habitué de nos plateaux, justement avec nous sur ce plateau, Dr Jean-René Douma, vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabrice. Merci pour cette invitation. Bonsoir à tous les éminents copanélistes que vous allez certainement introduire. Bonsoir à l'équipe technique. Bonsoir à l'Afrique, surtout aux milliards de téléspectateurs qui sont scotchés. Mm-hmm. Et bonsoir au monde. Mm-hmm. Merci infiniment à vous. On nous fait d'ailleurs savoir que le professeur Nicolas Agbou est des nôtres depuis sa position stratégique. Professeur, bienvenue à vous. Bonsoir. Avec le professeur Nicolas Agbou. Monsieur Awadon Melo, vous êtes à nos côtés, je rappelle, représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Bien le bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et pour parler évidemment du basculement du monde et de la place de l'Afrique. Et j'espère qu'avec nos amis qui sont là, nous pourrons décortiquer cette page importante de l'histoire du continent africain et cette grande opportunité que constitue le basculement du monde. Merci à vous, M. Awadon Melo. Je rappelle que les débats seront élargis au professeur François Degué, éditorialiste, qui sera également des nôtres, mais surtout à Edmond Kouaté sur ce plateau. Et nous évoquons donc avec vous, M. Awadon Melo, si vous en avez convenance, effectivement, cette première dorsale de réflexion dans le cadre de ce programme. Ce bras de fer perceptible et visible dans désormais entre les BRICS et le G7. D'ailleurs, les derniers sommets de ces deux on a justement vu, on va dire quoi, des véritables démarches qui ont été faites pour essayer d'intéresser le maximum de nations africaines possibles. Il y a d'ailleurs plusieurs qui ont, parlant des nations africaines, qui ont pu prendre part notamment à ces différents sommets, ce qui dénote notamment l'intérêt que suscitent les BRICS au même titre que les G7 aujourd'hui pour essayer de contenir le marché africain. Est-ce que, à votre avis, Monsieur Awadon Melo, l'on est en train de vivre d'une manière concrète cette fois-là, véritablement, ce bouleversement de l'ordre économique mondial? Est-ce que c'est perceptible du point de vue micro et macroéconomique, surtout sur le continent africain aujourd'hui? Est-ce que les orientations qui sont observées aujourd'hui nous laissent véritablement voir ce bouleversement de l'ordre économique mondial? Oui, le bouleversement est d'abord perceptible au niveau international. Pour une première fois, tout le monde se rend compte que les BRICS, le PIB des BRICS vient de dépasser le PIB du G7, ce qui est un signe important. Et les BRICS ont lancé une offensive monétaire qui fait qu'aujourd'hui, la question de la monnaie et de l'hégémonie occidentale sur le monde est en train de s'effriter. Et donc, cet effritement-là est irréversible. Et on voit apparaître un nouveau concept. S'il vous plaît, monsieur Sawa, juste une petite précision. Effectivement, on l'avait évoqué tout à l'heure sur le cas du PIB des BRICS qui est au-dessus de celui du G7. Il faut donc préciser qu'il est donc passé de 31,5% bien au-dessus du G7 qui lui est en dessous à 30,7% et ce pour le compte de 2023. C'est quand même un fait historique, il faut le noter. Pour vous relancer, je vous en prie. C'est un fait très historique. Et ce contexte montre que nous, en Afrique, on a maintenant le choix. Et cette situation de bipolarisation du monde, il faut savoir que ce n'est que temporaire, puisque l'objectif, c'est la multipolarisation du monde. Et donc, cette multipolarisation du monde, l'Afrique a nécessairement sa place. Et à travers un certain nombre de pays qui se battent pour arracher leur souveraineté. Parce que l'Afrique souffre d'un seul problème, c'est l'absence totale de souveraineté de nos États africains. Lorsque tous les États pourront s'arracher de leur ancienne puissance coloniale, ce qui est le cas de beaucoup de pays anglophones, mais pas du tout le cas de beaucoup de pays francophones, lorsque ce contexte sera réalisé et que l'Afrique prendra conscience que son avenir se trouve dans son unité, eh bien, vous constaterez qu'en moins de quelques années, l'Afrique unie va connaître une croissance incroyable qui va permettre au continent de se positionner comme l'un des pôles majeurs de ce monde multipolaire. Et donc, on a toutes les chances. Et l'occasion est donnée pour nous libérer. Quand vous voyez le cas du Mali, et le cas de la République centrafricaine, eh bien, vous constatez que être libre, c'est vraiment un choix. Et dans le contexte actuel, être libre, on a l'opportunité d'assurer cette liberté-là dans la mesure où le monde hégémonique qui écrasait la souveraineté est en difficulté lui-même. Et nous restons avec vous, M. Awadon Mulan, attendant effectivement d'ouvrir les débats à nos invités. 2023 sonne finalement pour les économistes comme étant une année, une arnée charnière, que ce soit du point de vue politique que économique. Et puisque nous parlons de l'économie, on va y rester. Les BRICS, eux également, ont une véritable dynamique. On parlera d'une offensive économique, notamment sur le continent africain. L'organisation qui est d'ailleurs présidée par l'Afrique du Sud a montré un grand intérêt et un fort engouement, notamment à être rejoint par ses frères africains. Est-ce que l'objectif, dans le fond, est simplement de contrer également la dynamique mise en place par le camp d'en face, vous me passerez l'expression, parlant du G7? Mais contrer, non, parce que les BRICS n'ont aucun effort à faire pour contrer. Les BRICS s'organisent et les BRICS attirent de par leur idéologie qui sous-tend leur action. Parce que le plus important, c'est l'idéologie qui sous-tend l'action. Les peuples africains ont depuis longtemps rêvé de souveraineté, et voilà que des pays émergents, et non des moindres, qui constituent aujourd'hui unis la plus grande force économique du monde, eh bien ce groupe-là forme la même idéologie que le continent africain. Par conséquent, il y a une alliance idéologique de fait qui fait que c'est une très grosse opportunité pour l'Afrique de suivre cette dynamique-là pour pouvoir construire son pôle à lui. Aujourd'hui, on a l'Afrique du Sud qui fait partie intégrante des BRICS. Mais le choix des premiers piliers des BRICS n'a pas été un choix au hasard. Lorsqu'on regarde le PIB, eh bien le PIB de l'Afrique du Sud n'est pas supérieur à celui du Mexique ou d'autres pays comme l'Indonésie et la Corée du Sud. Cela a frappé à la porte des BRICS. Mais l'Afrique du Sud a été retenue. C'est pour montrer que le continent africain constitue un élément important et dans la multipolarisation du monde, eh bien l'Afrique du Sud peut jouer un rôle de locomotive pour construire le pôle africain en matière de développement. On a fait remarquer d'ailleurs tout à l'heure cette ruée des États africains donc au sein des BRICS. On va d'ailleurs y revenir certainement de fond en comble dans le cadre de ce programme pour revenir sur ces pays-là qui souhaitent absolument intégrer notamment cette organisation qui semble véritablement être beaucoup plus rassurante dans son accompagnement et dans son idéologie, effectivement, que beaucoup semblent aujourd'hui finalement épouser. Alors, du point de vue de l'accompagnement, en quoi est-ce que les États africains devraient absolument, là je parle d'un impératif, retrouver le groupe des BRICS dans une dynamique de reconfiguration, on va dire, de l'ordre mondial, de l'ordre économique mondial? Vous savez, l'Afrique a deux besoins clés. Je dirais même un seul besoin fondamental, c'est vraiment la technologie. Nous avons besoin de beaucoup de technologies, mais comme la technologie a un coût, eh bien nous avons aussi besoin de beaucoup de moyens pour acquérir cette technologie-là. Et donc, les BRICS qui constituent aujourd'hui un pôle important, quand vous prenez le cas de la Russie, de l'Inde et de la Chine, la Russie n'a pas du tout hésité à partager sa technologie avec la Chine. La Russie n'a pas hésité à partager sa technologie avec l'Inde. La Russie n'a pas hésité à partager sa technologie avec le Brésil. Et la Russie n'hésite pas à partager sa technologie avec l'Afrique du Sud. Donc cette volonté de partage des technologies-là, eh bien, pour nous, Africains, cela constitue un élément important. Et c'est en partageant cette technologie-là que nous serons capables, nous, de transformer sur notre sol tout ce que nous importons et de transformer sur notre sol tout ce que nous exportons. Or, tout le monde sait, tous les économistes savent, que le jour où on sera capable de transformer notre sol, tout ce que nous exportons ou nous importons, eh bien le PIB de l'Afrique peut connaître une croissance qu'aucun autre continent au monde n'a vu. On a pris le cas de certains exemples comme la Guinée, comme l'Afrique du Sud. Dans le cas de la Guinée, par exemple, son PIB se multipliait par 10 dès lors que le seul produit bauxite, au lieu d'être exporté, était transformé sur place jusqu'à produire des pièces détachées à partir de la bauxite. Et donc, vous voyez que le potentiel de croissance est énorme en matière de développement. Et les pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, comme le Brésil, ces pays-là sont prêts à partager leur technologie avec nous pour qu'on puisse aller dans cette direction-là. Il n'y a que l'industrialisation du continent africain qui soit capable d'assurer à l'Afrique un véritable pôle de développement. Or, le drame, c'est que l'ancien monde, ceux qui sont regroupés au sein du G7, ils ont tellement besoin de nos matières premières que c'est même impensable qu'ils puissent partager avec nous leur technologie pour que nous soyons industrialisés comme eux. Parce que l'Afrique industrialisée, eh bien, c'est s'occuper pour le poids des matières premières africaines pour leur propre industrie. Donc, il y a un paradoxe qui est là. Dans nos relations avec l'ancien monde, et ce paradoxe-là, il est difficile de le résoudre sans mettre en compétition les grandes économies du monde qui, eux, vous prenez un pays comme la Russie véritablement n'a pas besoin du pétrole africain, la Russie n'a pas besoin de l'uranium africain, et donc, par contre, la Russie est prête à partager sa technologie de transformation du pétrole et sa technologie de transformation de l'uranium avec le continent africain, comme il a fait avec la Chine, comme il a fait avec l'Inde, et comme il le fait aujourd'hui avec certains pays africains, comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme la Centrafrique. Et comme l'Angola. Vous restez avec nous et dans le modus operandi, dans les modes d'action justement des BRICS, on a essayé de créer des institutions qui s'apparentent à ce que vous avez clairement évoqué tout à l'heure, M. Awadon Milo, l'ancien monde. Par là effectivement du G7 qui est effectivement qui évolue avec les institutions de Bretton Woods, on l'a dit, le FMI et la Banque mondiale. C'est pareil avec les BRICS, j'ai envie de dire, avec notamment la nouvelle banque de développement qui on voit véritablement sur son déploiement sur le terrain. Est-ce que si aujourd'hui l'on a véritablement toute l'Afrique qui se rue vers les BRICS, l'on a suffisamment de quoi pouvoir venir aux besoins de ces États-là du point de vue de l'accompagnement du développement infrastructurel, de la mise en place notamment de cette dynamique de transformation de tout ce qui est produit localement? Je dirais pour deux raisons. D'abord, la Banque des BRICS finance des projets sans imposer de contraintes particulières à nos États. L'absence de contraintes fait que le choix de l'investissement appartient à nos différents pays. Le choix de l'investissement appartient à nos différents pays et ce financement est fait sans condition, sans contrainte et sans obligation de revoir ou de restructurer son économie à l'avantage des pays occidentaux. Donc ce premier point-là est très important. Le deuxième point, c'est à nous de savoir où orienter ces investissements-là. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est en train de se dédollariser et que la monnaie de demain, ça sera probablement l'or. Et le continent qui regorge le maximum d'or, c'est le continent africain. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la ruée vers l'or africain, ben vous êtes complètement étourdi. Tout simplement parce que beaucoup de pays ont pris conscience que l'or sera la monnaie de demain. Mais nous, Africains, que faisons-nous aujourd'hui? Nous bradons tout simplement notre or, alors que nous pouvons nous organiser pour que les premiers financements que nous mobilisons soient uniquement pour produire et stocker l'or sur notre sol à travers nos banques centrales. Une fois que cela est fait, eh bien, nous devenons automatiquement l'une des plus grandes puissances monétaires du monde. Et avec cette puissance-là, nous sommes capables de payer toutes les formes de technologies nécessaires pour être de plus en plus souverains dans tous les autres domaines et faire le saut du développement industriel et combler notre gap en matière d'infrastructure qui nous empêche aujourd'hui d'échanger entre nous. Puisque vous savez que les échanges entre nous sont beaucoup freinés par toutes les formes de barrières et le manque d'infrastructures qui nous relient les uns aux autres. Il est plus facile pour un pays africain de vendre en France que de vendre à son voisin. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure, parce qu'il y a trop de barrières non tarifaires qui nous mettent dans des enclos. Alors que demain, si ces barrières à travers la zone de libre-échange sautent et que les infrastructures sont mises en place, il est bien évident qu'il sera plus facile d'acheter chez le voisin que d'aller acheter aux États-Unis ou en France. Voilà pourquoi nous disons que les BRICS constituent une opportunité, non seulement pour se soustraire de la dépendance, mais aussi constituer une puissance monétaire et ensuite une puissance industrielle et sociale. Dernière préoccupation, série de préoccupations avant d'ouvrir les échanges aux invités. Alors, M. Awadon Milo, on a parlé tout à l'heure de l'attitude du continent africain. Est-ce que, je rappelle que vous êtes d'ailleurs le représentant de l'Alliance internationale pour les BRICS, pour l'Afrique centrale, mais également pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'on a une véritable démarche qui est mise en place du point de vue sous-régional? Les blocs sous-régionaux sont suffisamment consolidés pour permettre aujourd'hui aux BRICS qui souhaitent véritablement apporter ce souffle nouveau de pouvoir suffisamment se greffer aujourd'hui pour apporter véritablement ce souffle nouveau dans les pays africains. Il y a quelques points d'appui, mais les blocs, à part l'Afrique du Sud qui elle, est complètement autonome et qui mène sa politique librement et qui constitue le point d'appui essentiel en Afrique. Lorsque vous prenez les blocs de l'Afrique de l'Ouest et les blocs de l'Afrique centrale, eh bien, le premier constat, c'est que les liens coloniaux persiste encore entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et l'ancienne puissance coloniale que constitue la France. Cela constitue un frein. Bon, mais il y a quand même des initiatives. Quand vous prenez le cas du Mali et de la République centrafricaine, eh bien, leur nouvelle dynamique politique est telle qu'ils peuvent constituer des points d'ancrage. Mais n'oublions pas que le CFA constitue toujours un obstacle. Et n'oublions pas aussi que l'armée française ne fait souvent ne fait que reculer pour mieux sauter. Et donc c'est à nous d'organiser notre défense et c'est à nous d'être monétairement autonomes pour qu'on puisse tirer le maximum de profit. Mais pour le moment, avec la stratégie de l'investissement direct et des partenariats publics-privés, eh bien, nous sommes en train de mettre en place des programmes pour corriger les insuffisances des relations entre l'Afrique et l'ancien monde. Et donc, le programme qui a été mis en place en Afrique du Sud, c'est un programme qui conduit l'Afrique du Sud vers un développement accéléré de ses infrastructures et aussi un développement de plus en plus autonome en matière énergétique. C'est pratiquement le même programme qui est mis en place en Centrafrique, où on a identifié 7 projets majeurs qui permettent non seulement de désenclaver le pays, mais aussi d'asseoir les bases énergétiques, les bases infrastructurelles et les bases sécuritaires pour son développement autonome et auto-centré. Et pour contourner l'obstacle du franc CFA, nous avons proposé que certaines banques des BRICS viennent directement s'installer pour qu'il y ait des banques relais entre les pays des BRICS et les pays de l'Afrique centrale. Et donc ce programme-là, il est reproductible à beaucoup de pays africains pour que progressivement ces pays-là soient capables de se doter des instruments nécessaires de leur propre souveraineté. Sur ce plateau, docteur Douma, j'en réunion a su avec beaucoup d'intérêt M. Awadon Melo qui a donc posé véritablement les jalons autour de l'enjeu géoéconomique actuel avec le risque donc de bouleversement, un risque d'ailleurs qui est inévitable de l'ordre économique mondial et dans lequel l'Afrique devrait en principe doit semble être la dernière frontière à laquelle les uns et les autres doivent absolument convier, alors se diriger pour véritablement y parvenir. Quels sont les atouts dont dispose effectivement l'Afrique aujourd'hui pour véritablement jouer ce contrepoids dans la dynamique de bouleversement de cet ordre, de ce nouvel ordre économique mondial qui est en train de se réécrire? Alors, le premier atout dont dispose l'Afrique pour influencer fondamentalement ce nouvel ordre économique mondial qui se dessine devant nos yeux, c'est d'abord... ce sont d'abord les richesses naturelles de l'Afrique. Parce que l'Afrique est tellement riche par son sous-sol qu'on se demande comment est-ce qu'on n'arrive pas à valoriser ces richesses au point d'en faire véritablement un outil de puissance économique, que ce soit au niveau de l'Afrique qu'au niveau du monde. Tout à l'heure, le ministre a évoqué en passant que les pays du G7 sont tellement préoccupés par les richesses de l'Afrique qu'ils ne sauraient, n'est-ce pas, partager leur technologie avec l'Afrique, n'est-ce pas, de peur que l'Afrique s'industrialise et commence à créer de la valeur ajoutée en exploitant sur place ces richesses-là. Donc l'Afrique doit être consciente de ce qu'en réalité, c'est elle qui a fait du G7 particulièrement ce que le G7 est devenu, puisque ces différents pays-là, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, le Canada, l'Italie, tous ces différents pays-là viennent puiser en Afrique et partent transformer, n'est-ce pas, en Occident pour éventuellement nous revendre les produits à des prix tellement exorbitant, et en ce moment-là, ce ne sont plus les produits africains, ce sont des produits made en Occident, alors qu'on devrait pouvoir le faire nous-mêmes. Donc, voilà le premier atout. Le deuxième atout, c'est la démographie. L'Afrique a une démographie forte, mais également une démographie jeune. parce que nous avons un continent qui a pratiquement 60% de sa population qui tourne autour de 22-23 ans et donc qui est capable de pouvoir en termes d'effectifs faire valoir ces différentes potentialités dans tous les secteurs confondus, pourvu que, évidemment, on puisse avoir des partenariats comme avec les BRICS qui viennent dans le sens du win-win. Parce que accepter de partager la technologie avec l'Afrique, c'est également permettre à l'Afrique de pouvoir donc véritablement exploiter ces minéraux, de pouvoir former la jeunesse africaine pour qu'elle soit capable, n'est-ce pas, d'exploiter ces minéraux et de faire en sorte que l'Afrique commence véritablement à s'industrialiser. Le troisième atout, et ça concerne particulièrement une ressource minière importante, le ministre l'a relevé également, c'est l'or. Le sous-sol africain est bourré d'or. Très récemment encore, on annonçait qu'on a découvert un gisement de 320 000 tonnes d'or en Ouganda. C'est beaucoup plus que l'or qui est déjà disponible dans le monde entier, parce qu'on est autour de 27 000 tonnes dans le monde entier. Donc, il est important ici qu'on prenne conscience de ce que la valeur de l'argent, c'est la valeur de l'actif réel, n'est-ce pas, sur lequel est adossé l'argent. Le dollar a les problèmes aujourd'hui parce que depuis 1971, le dollar n'est plus adossé, indexé à l'or. Parce qu'avant cette année-là, quand on avait, n'est-ce pas, une certaine somme de dollars, on pouvait avoir l'équivalent en or. Mais depuis 1971, ne pouvant pas avoir autant de quantités d'or disponibles que les dollars en circulation, vous savez que les Américains aujourd'hui, ils tournent la planche à billets comme ils veulent, d'accord ? Donc, le dollar est devenu donc le vent, parce qu'il n'est plus adossé sur quelque chose. Or, il faut revenir aux actifs réels. La vraie richesse, c'est le matériel, c'est-à-dire, dans ce cas précis, l'or. Donc, si nous avons autant d'or, ça veut dire que nous devons être capables de l'exploiter, de l'explorer, de l'exploiter, de le transformer et évidemment de le stocker dans nos banques centrales, mais les vraies banques centrales. Suivez mon regard. Parce que pour le moment, par exemple, à la zone CEMAC et même la CEDEAO, hein, on n'a pas de banque centrale, puisque ce sont des comptoirs coloniaux, n'est-ce pas, du trésor français. Et donc, si nous avons de vraies banques centrales, ça va nous permettre donc d'exploiter cet or-là et de le stocker afin d'avoir une monnaie qui sera forcément la monnaie la plus puissante du monde, puisqu'elle sera adossée à de véritables ressources matérielles, et notamment l'or. Donc, ces trois atouts doivent permettre quand même à l'Afrique de se frayer un chemin dans cette bipolarisation qui se dessine davantage sous nos yeux en renforçant le pôle des BRICS, et c'est bien que les BRICS aient donné la possibilité à d'autres pays de pouvoir intégrer ce pôle-là. Vous avez rappelé tout à l'heure, à la suite du ministre, que le PIB des BRICS, aujourd'hui, est supérieur au PIB des pays de G7. Et les prévisions disent que dans 5 ans, l'écart va se creuser. Et pendant que ce PIB, lui, va augmenter, le PIB de G7 va reculer. Et donc, si les pays africains rentrent dans les BRICS, ça va augmenter la capacité des BRICS en tout point de vue, que ce soit sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan même de la puissance militaire, parce que nous parlons là également d'une dimension très importante, parce que c'est la puissance militaire qui peut permettre de stabiliser d'abord le pays, de le protéger, et donc de pouvoir créer des conditions pour véritablement initier, réaliser des projets comme ceux qui ont été évoqués tantôt. Donc il est important que les pays africains, pendant qu'ils cherchent à se frayer un chemin qui peut déboucher sur un troisième pôle, qu'ils renforcent déjà le pôle des BRICS afin que véritablement il y ait une certaine équitabilité et que parallèlement certains pays africains aient les coudées franches pour pouvoir exprimer leur souveraineté en tout point de vue. Merci, merci à vous, docteur Thomas Jean-René. Pour Sœur François Dengue, vous nous avez rejoint dans le cadre de ce programme. En tout cas, nous vous présentons nos vives civilités tout en vous accueillant rapidement à la maison avec cette préoccupation pour essayer de mieux comprendre. On a évoqué tout à l'heure avec docteur Douma Jean-René le PIB du G7 qui est en dessous de celui des BRICS aujourd'hui. Que vaut aujourd'hui ce G7 du point de vue de la puissance et économique quand on regarde véritablement les besoins qui sont posés clairement sur la table aujourd'hui du côté du continent africain? Est-ce que l'apport du G7 aujourd'hui peut véritablement assouvir les besoins de développement, des besoins infrastructurels et bien d'autres pour nous autres Africains? Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et je salue Monsieur le ministre Don Mello, je salue nos deux collègues panélistes, évidemment je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Pour répondre à votre question par rapport à ce que le G7 peut encore faire pour l'Afrique, je crois que 3 siècles de collaboration donnent la réponse à votre question. Et je remercie votre précédent, celui qui vient de me précéder, excusez-moi, j'oublie son nom, qui a donné tous les éléments de richesse, très justement, d'un continent qu'on appelle l'Afrique. Alors, pour faire le lien avec votre question, comment se fait-il que les pays du G7, ayant collaboré 200 ans, 300 ans avec un continent aussi riche, le laissent aussi appauvri? Je n'ai pas dit pauvre, parce que l'Afrique n'est pas pauvre et n'a jamais été pauvre. La question qu'il faut se poser est très simplement et honnêtement, sans agressivité, y compris à l'égard des dirigeants du G7, comment se fait-il que dans votre collaboration, avec un continent aussi riche, une population aussi dense, aussi jeune, aussi dynamique, vous vous êtes enrichi exclusivement, en même temps qu'automatiquement, vous avez appauvri cela et que le chemin de la prospérité ne se montre même pas. Et qu'au cours des 200 dernières années, l'écart de richesse s'est accru de façon dramatique. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Et quand on pose la question ainsi, on n'a pas de parti pris. Imaginez un Martien qui arrive sur la Terre et qui constate les faits qu'a très bien donné mon prédécesseur qui a parlé, les éléments de richesse qu'il a mis en avance avec justesse et la relation pluriséculaire entre les pays du G7 et l'Afrique. Je crois qu'à un moment donné, si vous avez échoué pendant quelques temps et que vous continuez sur le chemin de l'échec, la responsabilité de l'échec viendra de votre part, c'est-à-dire plus précisément des dirigeants africains, parce qu'ils n'auront pas eu le courage de poser simplement cette question, encore une fois, sans agressivité. Je n'ai aucune agressivité, mais vraiment aucune antimonie contre les pays du G7, ni les dirigeants du G7, ni encore moins les dirigeants africains envers qui je m'incline très respectueusement. Mais en tant qu'Africain, il faut poser cette question, et en tant que spécialiste des questions de l'économie. Alors, quand on a posé cette question, je crois que la réponse coule de soi, et je crois que la réponse coule de soi encore plus aujourd'hui, parce que les pays du G7 se trouvent à un moment qui est peut-être le plus mal pour eux. J'ai compulsé les chiffres de l'endettement, je ne vais pas embêter vos téléspectateurs, j'ai compulsé les chiffres de l'endettement des pays du G7. Et si vous compulsez les chiffres de l'endettement des pays du G7, la moyenne dans les pays de l'OCDE est proche ou supérieure à 100% du PIB. Et il y a des pays comme le Japon où l'endettement est supérieur, frôle les 200%. Et quand vous comparez l'endettement dans un pays, il faut additionner 3 types d'endettement parce qu'on se limite souvent à l'endettement public. Il faut additionner l'endettement public à l'endettement des ménages et à l'endettement des entreprises non financières. Je dis bien des entreprises non financières, afin de ne pas faire des doubles calculs. Et quand vous additionnez ces trois endettements, l'endettement des pays du G7, dit, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, pays développés, frôle parfois les 300% du PIB. Donc, nous sommes à un moment où eux-mêmes sont fragilisés, et je crois que les pays africains devraient laisser les pays du G7 résoudre leurs problèmes, et que l'Afrique se concentre vers elle-même et collabore avec les pays du BRICS et même avec les pays du SCO, du Shanghai Cooperation Organization, l'Organisation de la Coopération de Shanghai, parce que de mon point de vue, c'est là-bas que se trouve l'avenir. C'est là-bas que se trouve l'avenir et c'est de ce côté qu'il faudra se tourner. Nous, évidemment, l'Afrique devra toujours rester ouverte. Si les pays du G7 veulent continuer à collaborer, les pays africains continueront. Mais moi, je serai un dirigeant africain et ce serait mon conseil à de nos dirigeants africains. Il n'y a aucune raison de penser que les pays du G7 pourront vous aider. Ils ne vous ont pas aidé pendant 300 ans. Ils vous ont exploité. Ils vous ont pris comme des esclaves. Ils ont d'abord exploité. Ils ont acheté des gens qu'ils ont traités comme des bêtes de somme, qu'ils n'ont pas payé pendant 400 ans. Les Noirs qui ont produit la richesse aux États-Unis sont aujourd'hui encore maltraités. Je fais référence, par exemple, au livre du docteur Claude Anderson, qui s'appelle « Black Labor, White Wealth », dans lequel il décrit très bien comment les Noirs aux États-Unis ont construit la richesse des États-Unis d'Amérique. C'est les Noirs, c'est le travail des Noirs qui a construit cette richesse. On parle de la révolution industrielle, mais on oublie que la plus grande colonie anglaise, c'était la colonie des États-Unis d'Amérique, qui a produit le gros de la richesse. Il n'y avait pas encore de machine. C'est le travail de nos frères Noirs qui a construit cette richesse. Et si vous allez même en Amérique du Sud, c'est à construire. Donc, si, malgré tout cela, vous ne recevez en retour que des coups de fouet, ils organisent des coups d'État chez vous, ils vont assassiner Kadhafi, ils font des coups d'État avec Kwame Nkrumah, comme il l'a fait le 24 février 1972. Et chaque fois que vous allez vous lever, ils vous élèvent des barrières tarifaires. Regardez la structure des barrières tarifaires entre le commerce entre l'Afrique et l'Union européenne. L'Union européenne a organisé sa structure tarifaire de sorte que vous ne puissiez jamais, mais à grand jamais, exporter des produits industriels en Europe. Et en retour, quand l'Europe voulait aller créer ses usines à l'étranger pour au moins avoir de la valeur, et l'Amérique d'ailleurs, ils ont délocalisé, non pas à l'Afrique, en Afrique qui est toute proche, mais ils sont allés délocaliser en Asie. Donc, moi, pour conclure et pour répondre court à votre question, bien sûr, on reste ouvert. Si les pays du G7 veulent venir, qu'ils viennent, mais pour moi, ça ne doit plus jamais être la priorité. Les priorités pour moi, si les Africains se respectent, c'est de trois ordres, je vais en terminer là. La première chose, c'est l'unité africaine. Les gens parlent de BRICS, bien sûr, mais pour moi, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'unité africaine. Et puis, deuxièmement, nous avons l'avantage que les BRICS sont là et que les pays de la coopération du Shanghai sont là et qui augmentent. Vous avez dit tout à l'heure que en parité de pouvoir d'achat, les BRICS vont dépasser les pays du G7 et l'écart se creusera encore. Donc, deuxième point de coopération. Et enfin, troisième coopération, le reste du monde, parce que le face-à-face entre l'Afrique et les G7 n'a conduit qu'à l'esclavage, qu'à la colonisation et à l'appauvrissement prolongé. Merci. Professeur François Déguier, on va également élargir donc les débats au professeur Nicolas Akbou qui est avec nous depuis un moment. Professeur, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Professeur, activez votre combiné, je vous en prie, pour nous permettre d'avoir votre retour audio en plateau. Est-ce que vous entendez, professeur Nicolas Akbou? Retirez votre casque, certainement, pour vous permettre de mieux communiquer avec nous, prof. Prof, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? des soucis. J'espère qu'on parviendra à voir le procès Nicolas Gbaou. Alors, M. Awadon Melo, je vous retrouve. Et les uns et les autres sont donc véritablement unanimes sur la question de l'alignement sur les BRICS, parlant des États africains. Est-ce que cet alignement-là serait-il le véritable enjeu diplomatique et économique de l'Afrique actuellement et dans les jours à venir, peut-être dans les années à venir? Véritable enjeu, dans la mesure où aujourd'hui, quand vous prenez la situation des pays anglophones et des pays francophones, la différence est nette. Les pays anglophones tireront le maximum de profit de ce nouveau contexte-là, dans la mesure où beaucoup de ces pays-là se sont affranchis de la tutelle occidentale, aussi bien sur le plan militaire, monétaire que diplomatique. Ils sont libres de conclure n'importe quel accord avec n'importe quel pays. Je vais vous donner un seul exemple. Tous les pays font face aujourd'hui à une inflation galopante. Qu'est-ce que l'Inde a fait? État souverain. L'Inde, un État souverain, a tout simplement décidé d'aller négocier directement avec la Russie pour avoir une réduction sur le baril de pétrole qu'il importe à prix réduit, donc un accord préférentiel, ce qui lui permet de faire face aux enjeux de l'inflation. L'Algérie a fait la même chose, mais ces mêmes propositions, c'est-à-dire ces accords préférentiels-là, la Russie l'a bien précisé, ces accords ne sont valables que pour les pays amis de la Russie. Mais combien de pays amis de la Russie sont prêts à s'engager? Étant donné que la Russie a bien précisé, tous les pays africains sont considérés comme des pays amis. Mais ont-ils la capacité ou même la liberté d'aller négocier une réduction, déjà un accord préférentiel pour acquérir d'une manière préférentielle le pétrole, pour faire face à l'inflation? Personne ne peut le faire, tout simplement parce qu'ils ont des mains liées à l'Occident. Et les plus grosses entreprises qui opèrent dans ce secteur, qui ont cette capacité d'importer, sont des entreprises occidentales. Et donc, nos États, qui ont souvent des structures de gestion du pétrole, eh bien, ils ont peur, tout simplement, de se lancer dans une politique au risque de se voir sanctionner par le G7. Et donc, la peur fait qu'ils sont obligés de subventionner avec beaucoup de ressources le prix du pétrole, ne serait-ce que pour chercher à atténuer. Mais cela ne réussit même pas à atténuer ce coût-là, dans la mesure où cette subvention énorme qu'ils injectent, eh bien, souvent ne permettent pas de résoudre le problème, mais au contraire, permettent d'augmenter les taxes dans d'autres secteurs et donc créer une forme d'inflation généralisée. Voilà comment une solution à leur portée, eh bien, n'est pas utilisée tout simplement par peur d'être sanctionné, et ils s'engagent dans des politiques très coûteuses pour leur peuple et très, très, très, très, très féroces pour l'économie même de leur propre pays. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que le pouvoir soit conservé et qu'on puisse être le bon élève du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Voilà un peu leur souci. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, si tous les États africains prennent conscience que leur autonomie va leur permettre de tirer le meilleur profit du nouveau contexte, c'est-à-dire prendre le meilleur en termes de qualité et de prix chez les uns et les autres pour assurer son développement, eh bien, nous sommes capables de tirer le meilleur profit de ce nouveau contexte-là. Mais encore faut-il qu'on soit souverain. La question de la souveraineté est au cœur de la dynamique actuelle pour tirer le maximum de profit. Lorsque un État a sa monnaie aliénée, a son armée qui n'est pas son armée, qui est l'armée de l'ancienne puissance coloniale, et la diplomatie est soutenue par l'ancienne puissance coloniale, et que ses réserves monétaires sont entièrement contrôlées par l'ancienne puissance coloniale, alors que pour acheter à l'extérieur, il n'y a que les devises qu'on peut utiliser. Mais si ces devises ne t'appartiennent pas, comment est-ce que tu peux rentrer dans une nouvelle dynamique de coopération avec d'autres blocs qui, eux, ne veulent plus de l'euro, ne veulent plus de dollars, et du commerce entre des monnaies autres que l'euro et le dollar. On est donc handicapé tant qu'on n'a pas coupé nos liens monétaires, militaires et diplomatiques avec l'Occident pour en tirer le maximum de profit. Toutes les opportunités pour que l'Afrique se développe sont là. Il suffit tout simplement qu'on ose couper les liens coloniaux et qu'on assume notre pleine souveraineté pour que les portes des BRICS s'ouvrent. Et souvent, ils n'attendent que ça, que nous venons justement pour négocier des partenariats et des accords qui puissent permettre à l'Afrique de combler ces deux déficits. Je dirais même un seul déficit, c'est-à-dire le déficit technologique. Car comme je dis, en matière monétaire, eh bien, il n'y a aucun continent qui soit beaucoup plus riche que l'Afrique, surtout avec l'or qui devient de plus en plus la monnaie mondiale. Nous avons besoin tout simplement de technologies pour que cet or-là, souterraine-là, devienne une monnaie de réserve. Peu de la technologie et interdire qu'un seul gramme d'or sorte de l'Afrique et que nous soyons les acheteurs de notre propre or en monnaie locale. Et vous verrez qu'on n'aura plus besoin d'aller tendre la main pour aller chercher de l'euro, ni de dollars, ni même d'aller mentir pour tisser nos relations avec les autres blocs. Nous aurons les moyens de notre politique. Et je crois que c'est en cela que notre souveraineté, la conquête de la souveraineté, est de l'unité. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, si tous les États africains décident de s'unir en un seul bloc, eh bien, ils ont une économie qui est proche de celle de l'Allemagne, qui est entre l'économie de l'Allemagne et de l'économie de la France. Donc, ne serait-ce que cette unité-là crée un positionnement nouveau du continent africain. Et en plus, si en plus de cette unité-là, nous avons notre monnaie basée sur l'or et que nous avons notre capacité à transformer sur place toutes nos matières premières, il est bien évident que notre croissance sera à la hauteur des grandes croissances du monde et que en moins de 10 ans, nous sommes capables de devenir un pôle totalement à part et l'un des pôles les plus dynamiques et les plus puissants de ce monde-là. Et nous pourrons jouer le rôle qui ne devait jamais être abandonné par nous, c'est-à-dire le rôle que l'Afrique a toujours joué depuis que le monde est monde, jusqu'à ce que l'esclavage vienne nous arracher notre initiative. Pardon, Milo, on va vous retrouver dans un court instant, certainement pour Saint Nicolas Bourou, qu'on retrouve le temps peut-être de vous donner la parole, docteur Jean-René Douma, sur cette question souveraineté dont évoque effectivement M. Awadon Melo, mais parlant des questions de souveraineté, surtout celle monétaire, alors économique, l'Afrique centrale est véritablement mal outillée. Est-ce que dans le fond, il ne faudrait pas, effectivement, pour permettre à l'Afrique, notamment, de pouvoir au mieux bénéficier de cet alignement des réels et BRICS, qu'il y ait une véritable monnaie de réserve mondiale qui soit unique aux BRICS avec la dédollarisation de l'économie mondiale qui est en train de se dessiner? Alors, je pense qu'il n'est pas bon pour l'Afrique de combattre, entre guillemets, la dédollarisation, de souhaiter qu'il y ait une dédollarisation, parce que l'hégémonie mondiale du dollar a très longtemps duré et a fait beaucoup de mal à beaucoup de pays. Donc, encourager la dédollarisation et rester figé sur, on va dire quoi, la yénisation, le yuan. Tout à fait. Ce serait comme si l'Afrique n'existe pas. D'accord? Parce que vous voyez bien que parallèlement à la dédollarisation, il y a des actions qui sont menées pour pouvoir occuper un certain espace que le dollar occupait tout seul. Notamment sur le plan du dollar comme étant la monnaie du commerce international. Les pays comme la Russie, la Chine, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Iran, et je pourrais en citer davantage, ont décidé depuis très longtemps, et notamment à partir de 2010, de faire des transactions commerciales sans le dollar. C'est-à-dire que des accords qui se passaient directement pour que les transactions se fassent en yuan. Même le Royaume-Uni a passé un accord comme ça avec la Chine pour faire un certain nombre de transactions en yuan. l'accélération de la dédollarisation est arrivée avec l'opération spéciale, n'est-ce pas, russo-ukrainienne, et suivie des sanctions des États-Unis et du groupe occidental contre la Russie. Et c'est ce qui est venu accélérer ce processus de dédollarisation qui a fait en sorte que, par exemple, la Russie décide de ne plus vendre ses matières premières en dollars, d'exiger que désormais un certain nombre de pays qui sont au sein des BRICS ne puissent pas faire des transactions en dollars. Même le pétrole, aujourd'hui, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme je disais tantôt, qui ne veulent plus vendre leur pétrole exclusivement en dollars. Ouais. Donc, mais il faut noter quand même que c'est de la place qu'on crée pour le yuan chinois. Et c'est pour ça que les pays des BRICS ont décidé de créer leur monnaie, qui pourrait être comme une monnaie de réserve mondiale pour le deuxième pôle qui se crée. Alors, l'Afrique doit s'interroger sur sa place véritable. Il faut collaborer avec les BRICS, il faut passer des partenariats qui vont faire en sorte que l'Afrique soit suffisamment forte, mais que l'Afrique ait toujours à l'esprit de pouvoir frayer son chemin. Il faut noter quelque chose de particulier. Aujourd'hui, quand on parle de monnaie, on ne devrait pas oublier que l'évolution même de la forme de la monnaie s'est imposée avec un certain nombre de limites qu'on a relevées dans le système bancaire et financier international. Vous savez qu'en 2009, quand les BRICS naissent par exemple, en 2009 est né également le Bitcoin, qui est la première monnaie digitale qui est née en ce moment-là. Et que ce soit le groupe des G7 ou le groupe des BRICS, ces deux groupes prennent très au sérieux la question de la monnaie digitale aujourd'hui. Parce que le récent classement qui a été publié par un cabinet américain, Chainalysis, pour ne pas le citer, a ressorti que les 20 premiers pays, parmi les 20 premiers pays qui ont adopté le Bitcoin et les crypto-actifs dans les transactions, il y a les États-Unis qui sont cinquièmes. Vous avez les pays comme le Vietnam qui est en tête, les Philippines, l'Inde est quatrième. Tous ces pays qu'on a cités là pratiquement sont dedans. La Chine, la Russie, le Brésil, le Nigeria pour le compte de l'Afrique. Vous avez le Kenya aussi en Afrique. Vous avez les pays comme la Turquie, l'Argentine, etc. Tous ces pays sont parmi les 146 pays qui ont été pris en compte dans cette étude, des pays qui utilisent davantage les transactions à travers le Bitcoin. Alors, je vais vous donner un ou deux chiffres, si vous permettez, pour voir jusqu'à quel point cette question est davantage préoccupante pour les États. Alors, si vous regardez, parlant du Bitcoin, aujourd'hui, on a plus de 25 000 crypto actifs. Hein. Il y a toute une bourse pour ça. Le Bitcoin est majoritaire, avec plus de 42% de capitalisation boursière. Mais les transactions en Bitcoin par jour, c'est de l'ordre de 6 milliards de dollars américains par jour. 6 milliards de dollars américains en Bitcoin. Okay? Si vous regardez, en fin 2022, les transactions financières qui ont été faites sur les principaux réseaux financiers. Les principaux réseaux financiers, c'est par exemple le réseau Mastercard. Mastercard, en 2022, c'est 7 700 milliards de dollars américains. D'accord ? Visa Card, c'est 14 100 milliards de dollars américains. Et vous avez le Bitcoin qui, n'est-ce pas, a des transactions qui s'élèvent à 42 000 milliards de dollars américains. 2022, M. Ndoum. Quand on a les chiffres comme ceci, et en plus de ces chiffres, on a par exemple la Banque de règlement internationaux, qui est la Banque centrale des banques centrales, qui relève dans son étude de 2022 que 80% des zinzins, les zinzins, ce sont les investisseurs institutionnels, les banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne, etc., les fonds de réserve. Donc, 80% de ces établissements spécialisés disent que les crypto-actifs seront de meilleurs actifs que les actifs traditionnels, c'est-à-dire conventionnels. Et 90% des banques centrales aujourd'hui sont déjà en train d'expérimenter ou ont déjà créé une monnaie digitale de banque centrale. Vous voyez pourquoi est-ce que cette question est est imminemment importante en ce moment précis. Donc, si nous parlons de la monnaie et de la multipolarisation du monde, et nous parlons d'un nouvel ordre économique mondial, nous devons relever également un nouvel ordre monétaire mondial qui se cache derrière ce nouvel ordre qui se dessine devant nos yeux. Parce que bientôt, vous apprendrez que les BRICS ont décidé de créer une monnaie digitale qui va être adossée à la monnaie fiduciaire qu'ils ont déjà annoncée. Dans le cas de la République centrafricaine, ce projet est d'ailleurs annoncé. Je crois qu'on a désormais un repérage, professeur Nicolas Agbou. Professeur, est-ce que cette fois-là, vous nous entendez? Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent à travers le monde. Bien. Professeur, la question justement de la monnaie de réserve mondiale est au cœur des échanges. Est-ce que les BRICS devraient absolument y penser pour permettre, notamment pour le cas des États africains, de pouvoir au mieux consolider leur rapport avec notamment avec les BRICS? Jean Cécile. Nous sommes à l'amorce d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Avec tout ce qui s'est passé ou qui se passe encore en Ukraine, c'est-à-dire la guerre russo-ukrainienne, ou du moins c'est la guerre entre la Russie et l'Occident. L'occasion est unique en son genre qui se présente à l'Afrique. L'Afrique qui a toujours été au bas de l'échelle, qui est toujours maltraitée. Donc, l'Afrique doit saisir cette occasion unique pour se donner les moyens objectifs de prendre sa place dans ce nouvel ordre mondial. Je m'explique. Nous parlons des BRICS. Et dans les BRICS, on parle même d'un 12 pays qui arrivent, qui demandent leur adhésion dans les BRICS pour la nouvelle monnaie des BRICS, etc. Et parmi eux, je citerai le Nigeria. Je me pose la question, qu'est-ce que le Nigeria va chercher? Le Nigeria peut être membre des BRICS, mais il y a la monnaie de l'Afrique à créer. Il y a, je répète, il y a la monnaie unique de l'Afrique à créer. Parce que, pour mémoire, pour que l'Afrique sorte de l'ornière socio-économique que nous connaissons aujourd'hui, il faut trois solutions majeures. Auquel s'ajoute la quatrième. Quelles sont ces trois solutions? D'abord, créer la monnaie unique africaine. Ici et maintenant et tout de suite. Bien sûr qu'on vous parlera des critères de convergence macroéconomique, mais l'observation froide nous montre clairement de façon scientifique que toutes ces décisions dites macroéconomiques ou du les critères de convergence, tout ça, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Regardons les États-Unis d'Amérique avec le dollar américain. C'est tout simplement, depuis que les 13 colonies anglaises ont pris leur indépendance politique, ont pris de la distance vis-à-vis du colonisateur anglais, ils ont créé leur monnaie unique américaine. Et depuis ce jour, tous les pays... Aujourd'hui, ils sont 50. Tous les autres pays qui entrent dans cet État fédéral, ils utilisent le dollar et ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence. Deuxième exemple, c'est celui du Canada, 10 provinces qu'on a, enfin 10 pays. Le dollar canadien, c'est par des décisions politiques, c'est-à-dire c'est le Congrès, comme ça a été le cas des Américains. Troisième cas, c'est celui de la Chine. En 1949, avant 1949, les Chinois, qui étaient moins de 500 millions de personnes, mouraient de faim. Quand Mao Zedong et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont mis fin à toutes les monnaies préexistantes. Ils ont créé la Banque populaire de Chine qui appartient à l'État chinois. Aujourd'hui, la Chine, qui est peuplée au minimum de 1,4 milliard de personnes, eh bien, l'État chinois met en mouvement, sinon donne les moyens objectifs aux citoyens chinois pour créer des richesses. Aujourd'hui, officiellement, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. C'est elle qui prête de l'argent aux États-Unis, etc. Parce que ce qui est au cœur de tout ça, c'est l'argent qu'on appelle la monnaie. Le quatrième exemple, c'est celui de la Suisse. Il y avait 860 monnaies différentes dans l'État fédéral chinois et suisse. La Suisse, rappelons-le, c'est 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Et il y avait 860 monnaies différentes. Par l'État, par la décision politique prise par l'État fédéral, ils ont supprimé tout ça sans aucun critère de convergence et ils ont mis en place le franc suisse géré avec une rigueur scientifique au point que n'importe qui dans le monde qui veut garder son argent, sinon son épargne, en lieu sûr, va la cacher en Suisse. Ça, c'est le quatrième exemple. Le cinquième exemple, c'est celui de l'État et c'est celui des francs, des colonies françaises d'Afrique qu'on appelle le franc CFA. Quand le général de Gaulle, après la conférence de Bretton Woods, a vu que ses intérêts étaient menacés, ou du moins les intérêts de la France, eh bien, a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Préven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustet, de lui préparer un projet de loi de création de la monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Quand ce projet a été prêt, eh bien, le général de Gaulle, sans passer même par l'Assemblée nationale, car, rappelons-le, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Donc, il faut demander l'avis du peuple, ne serait-ce que même, soit par référendum ou bien par la voie parlementaire. Mais le général de Gaulle, par décision politique, a créé donc le franc des colonies françaises d'Afrique. D'Afrique conformément à l'article 1 du décret 45-01-36. Et ce franc CFA nous a été imposé. Lorsque les pays concernés ont pris leur indépendance politique, ils ont rejeté ce franc des colonies françaises d'Afrique. Malheureusement, il existe ici et maintenant où je vous parle à la seconde. 15 pays africains qui se complaisent dans le nazisme monétaire, car le franc CFA n'est rien d'autre que la reproduction effective de la monnaie nazie dont la France a été victime. Et enfin, le sixième exemple, c'est la République fédérale de la Russie. Quand la Russie a été démantelée en 1991, eh bien, les 26 pays qui sont restés ensemble pouvaient créer chacun une monnaie, mais ils ont décidé de conserver ce qu'on appelle le rouble russe. J'insiste sur le mot russe et non pas le rouble soviétique. Voilà, j'ai donné ces exemples pour dire quoi? C'est une décision politique que les Africains doivent prendre. Au lieu de se complaire dans le statut de subordination aux autres puissances, les Africains, ici et maintenant, doivent décider politiquement de battre la monnaie unique africaine. Quand elle aura pris et quand cette décision aura été prise, elle sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que détiennent les Africains, l'or, le diamant, le cobalt, etc. Mais retenons simplement l'or et le diamant. Si on retient ça, on dira aux pays africains d'apporter chacun 30 tonnes d'or par an. Et d'ici 81 ans, on aura 131 220 tonnes d'or. Mais au lieu d'attendre 81 ans, on demande tout simplement à l'Ouganda, qui détient à lui seul, et suivez mon regard, 31 millions de tonnes d'or à l'instant où nous parlons. On demande tout simplement, Ouganda, il faut nous sauver. Décaissez-nous les 131 220 tonnes d'or et nous allons vous rembourser à dose homéopathique ou alors avec des moyens que nous détenons. Le coltan pour la RDC, le cacao par la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Ce sont des négociations. Mais le problème qui est posé, c'est quoi? Les Africains meurent de faim. Les Africains ont tout. Mais ils passent leur temps à parler sans prendre les décisions. Donc, quand on aura cette monnaie unique qui va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque Centrale Africaine, cette Banque Centrale Africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales ou communautaires coopèrent les banques commerciales qui sont en relation directe avec les agences économiques que sont les ménages, les entreprises, les collectivités, etc. Et à partir de là, la décision, autrement dit la politique monétaire sera menée par la Banque centrale africaine qui va donner des moyens objectifs à tous ces agents économiques pour entreprendre et combattre avec efficacité la pauvreté socio-économique qui nous ridiculise. Cela veut dire quoi? C'est grâce à cette monnaie unique africaine, nous allons satisfaire nos 14 besoins essentiels. En un mot, nous allons industrialiser les économies africaines. Qu'est-ce que veut dire industrialiser pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire prendre toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, les transformer en des produits finis. Lesquels produits finis génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que premier besoin à satisfaire, il faut manger. Manger veut dire élever des industries alimentaires. Parce que nous allons transformer toutes les ressources agricoles en des produits finis. Deuxièmement, ça veut dire boire. Boire veut dire accéder à l'eau courante, à l'eau potable, à donner de l'eau à tous ceux qui vivent en Afrique. Donc, une industrie de l'eau. Troisièmement, il faut s'habiller. S'habiller veut dire élever des industries de textile. Faire en sorte que les bas de coton ne prennent plus le chemin de l'exil. Ne prennent plus le bateau, mais rentrent dans les usines de textiles en Afrique et sortent les produits finis pour permettre aux Africains de bénéficier des valeurs ajoutées. Et quatrièmement, ça veut dire se loger. Se loger veut dire créer des millions, et j'espère mes mots, des millions et des millions de logements de tout standing pour, avec une vision claire. D'ici 10 ans, nous ne voulons plus de taudis sur le continent africain. Et nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que nous avons de l'espace vital. Pourquoi? Parce que nous avons de la main d'œuvre. Et surtout, pourquoi? Parce que nous avons notre propre argent. On n'a besoin de personne. Enfin, cinquièmement, dans la maison, il faut mettre la lumière. Donc, s'éclairer. Les énergies renouvelables sont là. Je passe sur les détails, c'est-à-dire l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie, etc. Sixième besoin, se déplacer. Se déplacer veut dire construire les véhicules. Les véhicules et septièmement, les routes. Ce n'est pas la main d'œuvre qui manque. On aura les moyens objectifs pour construire toutes ces routes. Et quand je dis routes, ce n'est pas seulement les routes par terre, par mer, par air, etc. J'ai d'être vite. Et surtout, financer l'éducation. Il n'y a pas de développement d'un pays sans éducation. Pourquoi nous sommes obligés de mendier toujours la main d'œuvre étrangère qui nous coûte exceptionnellement cher et qui contrôle toutes nos matières premières? Donc, parce que nous avons l'argent, nous avons notre propre argent, nous pouvons financer l'éducation nationale. Faire en sorte que tous les cerveaux dont nous avons besoin puissent venir, puissent non seulement sortir de l'Afrique, mais faire appel à tous les afro-descendants, quelles que soient leurs compétences, de venir en Afrique, contribuer au développement de l'Afrique. Et nous avons les moyens pour les payer. Ensuite, nous allons financer ce qu'on appelle la santé. La santé, l'homme est composé. Alors, donc, je ne sais pas, la santé. Au niveau de la santé, ça veut dire qu'il y a trois éléments. Construire les centres de soins primaires dans les campagnes, construire les hôpitaux et les dispensaires dans les villes et affecter le personnel soignant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, financer ce qu'on appelle les laboratoires pharmaceutiques pour que les Africains soient capables de produire eux-mêmes leurs propres médicaments. Et troisième élément de la santé, c'est tout simplement, après les laboratoires pharmaceutiques, être capable d'asseoir la sécurité sociale pour que quiconque est malade aille voir le médecin sans trembler, mais se fasse rembourser. Or, la main-d'œuvre, sinon la population est à 70% jeune, c'est-à-dire moins de 30 ans. Donc une sécurité sociale assise, gérée avec une rigueur, serait nécessairement excédentaire. Et enfin, nous allons financer la défense et sécurité. L'Afrique connaît l'humiliation depuis 7e au 20e siècle, donc pendant 14 siècles, avec les arabo-musulmans d'une part, et d'autre part, avec les Européens qui nous ont mis en esclavage pendant 5 siècles consécutifs. Et pourquoi tout ça? Parce que nous sommes incapables de nous défendre militairement. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui s'ouvre devant nous, et nous ne devons pas rater cette occasion unique. Nous devons, avec notre monnaie, acheter des armes puissantes à des, au niveau des grandes puissances comme la Russie, comme la Corée du Nord et avec toutes les autres puissances. Parce que n'oublions pas, les Occidentaux qui nous ont mis en esclavage, il est hors de question de permettre à un esclave de se désarmer. Parce que s'il est armé, il peut tuer le maître. L'occasion est unique en son genre. Si nous ratons cela, nous ne devons pas nous apprendre à Dieu, parce que nous aimons tellement ce mot. Nous devons nous apprendre à nous-mêmes. Et je dis et je répète, pour acheter les armes, il faut de l'argent. Mais mieux, non seulement nous allons acheter dans l'immédiat des armes, mais nous devons nous former, former nos militaires. Faire en sorte que, avec une vision claire, qu'il ne faut pas jouer à l'angélisme dans ce monde. Donc, former, ouvrir les centres militaires, etc., les bases militaires, et former les Africains sur le plan militaire pour qu'ils soient capables de produire eux-mêmes des armes puissantes et rendre l'armée fédérale africaine invincible. J'insiste sur le mot invincible. Et c'est grâce à tout ça, nous allons aussi financer, et je parle très vite parce que ça mérite des grands développements, les MTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies de l'information, on peut déclencher les cyber-attaques, etc. Les cerveaux brillants existent en Afrique. Les inventeurs existent en Afrique. Ce qu'ils demandent, c'est d'être financés. Et ça, si nous avons l'argent, tout est possible. Ce qui nous permet donc de financer un des besoins qu'on appelle la recherche et le développement. Le pays qui dépose le plus de brevets au monde, hier, c'était les États-Unis, aujourd'hui, ce sont les États, non, c'est la Chine. Si nous nous donnons les moyens objectifs, nous pouvons financer tout ça, et non seulement nous allons égaler la Chine, mais nous pouvons même dépasser la Chine. Et enfin, nous allons financer la recherche et le tourisme. Et enfin, je passe très vite, nous allons financer la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain. C'est un vaste marché de 2 milliards de personnes. Quand les produits sont finis et qu'ils sont disponibles, même si on ne veut pas, même si ceux à qui nous pouvons vendre à l'extérieur, les Occidentaux, ils ne veulent pas acheter, mais nous-mêmes les Africains, nous allons satisfaire nos besoins, nous allons les consommer eux-mêmes, parce qu'on développe le pays avec les produits finis qui seront mis à la disposition des 2 milliards de personnes. Donc nous allons financer ce vaste marché. Ça donne des opportunités immenses à tous les entrepreneurs africains, à tous les ménages, à tout le monde. Et enfin, nous allons financer non seulement la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain, mais nous allons aussi financer l'Union africaine. L'Union africaine est ce qu'il est et ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle dépend, comme l'avait dit son secrétaire Jean-Pierre, à 87% de l'aide extérieure. Nous allons mettre fin à tout ça. Nous voulons, avec nos propres moyens, avec notre propre argent, avec notre monnaie, nous allons financer l'Union africaine pour que, justement, l'Union africaine soit capable de parler à l'impératif. Ce qui nous amène, après avoir satisfait ces besoins essentiels, donc, nous allons, je répète, et c'est là que je m'arrête vers la conclusion, Non seulement, je disais, un, créer la monnaie unique africaine, deux, industrialiser le pays, c'est ce que je viens de développer, troisièmement, eh bien, financer l'unité africaine, l'union politique africaine, c'est-à-dire l'État fédéral africain. Cela veut dire, c'est une décision politique. Comment ? On met simplement une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Et on affecte l'État fédéral africain en tant que personne morale est née. Et on lui affecte 6 compétences. Quelles sont ces 6 compétences? La première compétence, comme nous formons un seul État, donc ceux qui ne font pas partie de nous, eh bien, on a une douane, une frontière avec, donc la douane, la frontière, tout ça, c'est géré par l'État fédéral africain. La deuxième compétence, nous sommes un seul pays désormais. Donc, tout ce qui est la diplomatie, eh bien, on met la même, on a la même ambassade comme les États-Unis et ainsi de suite. Troisième compétence, les PTT, postes et télécommunications. Quand vous écrivez aux États-Unis, vous envoyez un colis, vous achetez un certain, on fera la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent 3 autres compétences. Quelles sont ces 3 autres? Eh bien, la 4e compétence, nous avons l'armée fédérale africaine qui va mettre hors d'état de nous, tous ces djihadistes, tous ces rebelles, etc. Et on aurait une paix assurée. Quiconque touche à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Voilà les solutions réelles. Et nous sommes là, nous regardons ailleurs. Donc, la 4e compétence, la 5e compétence, où naturellement, nous sommes un même pays, on a la même monnaie. La même monnaie. Et la 6e compétence, eh bien, nous prenons tout simplement cet argent pour l'industrialisation de toutes les économies africaines. C'est-à-dire, on écrit dans la loi des lois de chaque pays membre de l'Union de l'État fédéral africain l'obligation, je dis bien l'obligation de transformer sur le sol africain toutes les matières premières en produits finis. Et ce sont les produits finis qu'on peut vendre. Ce sont des décisions politiques. Encore faudrait-il avoir le courage et l'audace de sortir de l'ornière socio-économique qui a été dressée contre nous depuis la conférence de Berlin de 1884-1885. Une fois, nous avons fait ça. Mais nous allons, à partir de là, un, je reprends, pour que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres, la monnaie unique africaine, deux, l'industrialisation, trois, l'État fédéral africain, et enfin, quatrièmement, eh bien, c'est la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité. Et ceci sur tous les plans, car rappelons-le, c'est l'Afrique qui a inventé toutes les brillantes civilisations mondiales que nous connaissons. On connaît désormais les tricheries, tout ce qui est la civilisation pharaonique égyptienne, etc. Mais qui a inventé l'écriture? C'est l'Afrique. Qui a inventé le monothéisme? C'est l'Afrique. Qui a inventé toutes les lois, c'est-à-dire toutes les sciences, dont les mathématiques, l'astronomie, etc. Ce sont les Africains. Et si je peux me permettre de choquer encore certaines personnes, eh bien, il y a un brillant, et qu'on appelle Slant, Pablo, qui a démontré ici, il n'y a pas longtemps, que l'homme complet, l'homme pur, l'homme qui a toutes les facultés au grand complet, c'est l'homme noir. D'accord. À l'opposé se trouve l'homme, qui est l'homme blanc, qui porte en lui les germes du Néandertal. Merci. Et ça, c'est ça qui a permis aux Africains, je conclue, de faire preuve de toutes ces démonstrations que nous connaissons. Et je termine en rappelant que notre sœur aux États-Unis d'Amérique a pu démontrer à la fin du monde que quand on coupe le cerveau, on trouve ce qu'on appelle la matière noire, qui est le siège de l'intelligence. Et on parle de la matière grise, mais c'est la matière noire. Et depuis la Terre, et c'est démontré maintenant scientifiquement que le centre, c'est-à-dire le taux de mélanine, qu'on appelle la neuromélanine, ce taux-là est le plus concentré, le plus pur, le plus

ou ceux qui veulent prendre des risques, les zinzins, comme vous dites, ils peuvent s'engager dans les bitcoins, mais les bitcoins ne peuvent pas servir comme outil monétaire pour un pays. C'est trop dangereux, surtout que nous n'avons aucun contrôle dessus. Et figurez-vous, si vous n'avez pas un contrôle dessus, et vous imaginez que ce n'est pas le cas des États-Unis ou d'autres pays qui, eux, malgré tout ce qu'on dit, ils ont un contrôle de ces outils-là. Et à tout moment, ils peuvent les manipuler dans un sens ou dans un autre. Vous avez la vraie richesse. Et notre ami l'a dit tout à l'heure. Vous avez de l'or. Vous avez du diamant. Le professeur Bou vient de préciser. Vous avez des terres fertiles. Vous avez toutes les conditions, toutes les ressources pour avoir la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. Le bitcoin, ce n'est pas une richesse. Donc, il vous suffit, et c'est une richesse que vous contrôlez, que la nature ou ceux qui croient en Dieu, que Dieu a mis sous vos pieds, vous n'allez pas aller spéculer sur du vent que les autres ont construit ou sur des logiciels d'informatique qui sont inventés ailleurs et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Donc, je suis très, très prudent et je déconseille fermement que l'emploi des bitcoins comme une monnaie nationale. Par contre, le bitcoin est différent de la monnaie de banque centrale qui aura sa version électronique. La monnaie électronique de banque centrale, ce n'est pas du tout le bitcoin. Et il y a là une confusion peut-être, mais on n'a pas le temps d'expliquer cela. Je voudrais m'arrêter ici en vous remerciant de m'avoir donné la parole. Revenir dans nos prochaines éditions de débat pour voir un peu plus clair sur ces différentes monnaies numériques qui sont un peu plus nombreuses aujourd'hui. Nous allons sortir de ce sujet premier. J'entends pas avec monsieur Awadon Melo. Bien des choses ont été dites, monsieur Awadon Melo, et d'ailleurs il y a cette sortie de l'ambassadeur itinérant pour l'Asie et les BRICS au ministère sud-africain des affaires étrangères qui rassurait d'ailleurs que les BRICS vont d'ici les 10 prochaines années parvenir donc à la mise en place d'une véritable monnaie de réserve mondiale au cours de ces 10 prochaines années. Mais on a su avec beaucoup d'intérêt pour les professeurs, les précédents intervenants, notamment le professeur Nicolas Kbou, qui souhaiterait notamment que l'Afrique, elle également, puisse véritablement mettre en place une dynamique de souveraineté économique avec notamment cette monnaie unique africaine qui permettra notamment de pouvoir davantage en bénéficier. Est-ce que au cœur des BRICS, on travaille véritablement ces dynamiques avec notamment les États africains? Il faut d'abord comprendre que les BRICS, c'est d'abord une vision du monde. Nous passons d'une vision hégémonique du monde, dominée par une grande puissance, qui est les États-Unis ou l'OTAN en général, vers une vision multipolaire. Et la seule forme de créer une nouvelle communauté internationale conforme à cette vision multipolaire-là, et c'est cette forme-là que incarne aujourd'hui les BRICS. Donc, les BRICS constituent une interaction de plusieurs souverainetés. C'est pour ça que les BRICS n'ont même pas de texte qui les fondent et qui les régissent. Parce que, tout simplement, c'est des négociations permanentes entre les différents acteurs pour créer des positions convergentes. Et il est bien évident que le souci de respecter les souverainetés de chacun constitue le souci de base, et le souci d'égalité entre les membres des BRICS, c'est là aussi l'un des principes de base. C'est là pour cela qu'au niveau de la nouvelle banque des BRICS, eh bien, chacun a une voix. Voilà, et même au niveau des BRICS, la voix de chacun porte. Et l'adhésion aux BRICS est une adhésion qui permet de choisir entre deux visions du monde. Un monde hégémonique et un monde multipolaire. Et moi, ma seule conviction, c'est que ce monde multipolaire-là, c'est ce qui permettra à l'Afrique demain d'être un pôle parmi d'autres pôles. Cette bipolarisation que nous assistons, pour moi, n'est que temporaire, puisque l'idéal, c'est d'avoir plusieurs pôles qui interagissent pour créer une nouvelle communauté internationale. C'est là qui est important. Et donc, l'Afrique, en tant que futur pôle autonome, a déjà son cadre institutionnel, qui est l'Union africaine. Et l'Afrique a déjà sa vision, qui est transcrite par l'agenda 2063. L'Afrique a déjà mis en place les institutions pour sa souveraineté. Mais que valent tout ce cadre institutionnel, toute cette vision-là, si nous avons chacun de nos États qui sont encore dans la logique de l'Afrique de Berlin. Voilà le problème qui se pose. Comment passer de l'Afrique de Berlin, c'est-à-dire une Afrique qui a été partagée au profit du monde occidental, à une Afrique, une Afrique de l'Union africaine, c'est-à-dire une Afrique qui est essentiellement auto-centrée. Et cette Afrique-là, comme beaucoup de personnes l'ont souligné, la naissance a commencé avec, disons, le mouvement panafricaniste depuis les années 1900, mais où aucun État africain n'était indépendant, jusqu'à ce que les premiers États africains indépendants, Nkrumah, Nasser, le Maroc, tout cela formalise en une vision cohérente. Et le passage de l'OUA à l'Union africaine a donné encore plus de cohérence. Donc on a, je dirais, la forme qui existe, il faut lui donner un contenu. Lorsqu'on veut donner un contenu, il faut prendre des cas précis. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a voulu donner un contenu au panafricanisme, son premier souci, ça a été d'être indépendant, souverain, et donc de couper les liens avec l'Occident. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où, autant nous voulons nous soustraire de ces liens-là, autant nos anciens colons estiment que sortir de ces liens-là, eux, c'est la fin de leur domination en tant que puissance hégémonique. Donc c'est un combat. Et ce combat entre le G7, j'appelle ça le combat entre le G7 et le continent africain, malheureusement, ce combat-là, le G7 a ses lieutenants parmi nous. Et c'est ça qui pose problème. Ce qui fait que les visions communes que nous dégageons, eh bien, ne sont pas partagées par l'ensemble de nos dirigeants, parce qu'il y a encore parmi nous des chevaux de Troie du G7 qui agissent contre. On a vu le cas de la naissance de l'ECO souverain, l'ECO ouest africain, qui a été pensé, conçu par les chefs d'État africains, mais dont la mise en œuvre a été complètement dévoyée par, les postes avancés de l'Occident en notre sein. Et donc, à tout instant, c'est la division à travers les postes avancés de l'Occident qui bloque la dynamique unitaire. Et tant que nous n'avons pas soustrait des rangs du continent africain ces postes avancés de l'Afrique de Berlin, eh bien, nous arriverons difficilement à construire une vision commune et une dynamique commune. Il y a eu le cas de la zone de libre-échange, ce qui a salué. Il y a eu le cas de la Banque centrale, initiative qui a été prise, qui n'a pas encore abouti. La monnaie unique, eh bien, cette monnaie unique-là, eh bien, aucun chef d'État africain n'a encore pris la mesure de la chose pour construire cette monnaie unique-là. Et donc, voilà où nous en sommes. Et donc, pour moi, aller vers le panafricanisme, c'est-à-dire cette vision unitaire, doit commencer d'abord par libérer chaque pays africain de la tutelle des anciennes puissances coloniales. Cette libération qui passe par la rupture monétaire avec ces anciennes puissances coloniales, la rupture militaire et la rupture diplomatique, les trois allant ensemble, c'est l'ensemble de ces ruptures-là qui vont permettre de construire une conscience africaine et une volonté d'agir ensemble et d'aller ensemble. Donc, nous voyons là la problématique, nous voyons là les réponses, nous voyons là les solutions, et nous avons maintenant un soutien international. Et c'est ce qu'il faut souligner. Les BRICS constituent idéologiquement un support international pour se libérer. Aussi bien politiquement, idéologiquement, militairement, monétairement, que diplomatiquement. Parce que ceux-là, ils sont prêts à nous soutenir dans toutes les instances de l'ONU pour défendre notre souveraineté. C'est vrai, l'Afrique, la Côte d'Ivoire avait été attaquée, eh bien, n'a pas eu de soutien. Kadhafi a été attaqué, n'a pas eu de soutien. Mais dès lors que le Mali allait être attaqué, automatiquement, il y a eu le soutien de la Russie. La Centrafrique a eu le soutien de la Russie. La Syrie a eu le soutien de la Russie. Et donc, les BRICS, visiblement, sont en alignement par rapport à notre vision de souveraineté. Et si tous les États qui veulent se libérer ont le soutien des BRICS pour se libérer, eh bien, ceux-là, demain, pourront mettre un contenu à l'unité africaine dont tous les textes existent, toutes les politiques existent, mais il faut des acteurs maintenant, disons des maîtres d'œuvre indépendants, souverains, pour qu'on passe de la conception à la réalisation à travers une maîtrise d'œuvre que constituent nos différents chefs d'État souverains et panafricanistes. Moi, voilà comment est-ce que je vois les choses. Et tant qu'on ne pourra pas comprendre cette nouvelle dynamique-là et où on doit orienter nos relations internationales pour avoir des soutiens contre ceux qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, eh bien, on n'ira nulle part. Parce que seul, on a tenté et seul, on a été toujours abattu. Tout simplement parce qu'on n'avait pas, au niveau international, les soutiens nécessaires pour défendre notre position dans les instances internationales, et on a été toujours vaincu. Et souvent, eh bien, quand je prends le cas de Laurent Gbagbo, il a été présenté au monde entier comme un criminel, il n'y a eu personne pour le défendre, il s'est défendu seul jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un criminel. Et voilà un peu comment est-ce que nous devons nous organiser et comment nous devons orienter notre politique internationale, notre coopération, pour savoir choisir nos amis qui seront capables de nous défendre lorsque nous serons en difficulté. Donc voilà un peu pourquoi j'estime que les BRICS constituent un nouvel environnement, une nouvelle vision du monde, une nouvelle dynamique dont il faut tirer le maximum de profit. Cela ne veut pas dire qu'on n'a rien encore à apprendre chez nos anciens colons. Il y a toujours quelque chose à apprendre avec quelqu'un, mais ceux qui sont prêts à nous soutenir dans notre lutte de libération, eh bien, ce ne sont pas nos anciens esclaves, ça il faut oublier ça, ce n'est pas possible, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que l'esclave devienne le maître, sinon le maître devient l'esclave. Voilà. Et ceux qui ont intérêt à ce qu'aujourd'hui l'esclave devienne le maître, eh bien, c'est du côté des BRICS qu'on peut les trouver et nous ailleurs. Merci. Hello et merci au reste du panel pour vos contributions combien importantes pour cette première thématique. On va donc rentrer de plein pied dans la seconde dorsale de notre programme. C'est avec eh bien cette seconde préoccupation que nous allons justement sortir de cette édition géoéconomique avec donc la problématique du développement avec les BRICS qui s'engagent donc dans plus de 6 projets d'envergure en République centrafricaine. Pour avoir le cœur net, très cher monsieur, je vous propose de suivre cet élément et après quoi on vous retrouvera, monsieur Awadon Melo, vu que vous êtes au cœur et au centre effectivement de cette dynamique, pour en savoir un peu plus. Prenons cet élément bien avant. Une délégation des BRICS conduite par Madame Larissa Zelentsova, présidente de l'Alliance des BRICS, a séjourné à Bangui, capitale de la République centrafricaine, du 9 au 11 avril 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre du vaste projet mis en place par cette organisation afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Dragues друзья, mes chers amis, dragues коллеги, mes chers collègues, мы сегодня присутствуем в этом дворце второй раз. C'est pour la deuxième fois que nous sommes présents au palais ici. И очень знаменательным является то, что вы первый раз приехали с какими-то мыслями, мечтами, проектами. Мы подписали договор о том, что мы будем реализовывать ряд проектов. Et ce qui est très important, c'est que la première fois quand on a eu beaucoup de rêves, on a eu beaucoup de projets et on a signé un très grand contrat pour avoir le travail mutuel et le travail qui va fournir notre futur. А вот сегодня прошло всего 3 месяца, а мы уже приехали именно с тем, чтобы начать эти проекты у вас. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, nous sommes ici de nouveau pour avoir le commencement des projets. La délégation, qui était également composée de Awa Don Melo, représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et de plusieurs hommes d'affaires de la Russie, de l'Iran et de l'Inde s'est engagé à lancer sept grands projets structurants portés par des opérateurs qui assurent eux-mêmes le financement à mode de partenariat public-privé ou à un investissement direct sans impact sur la dette. Il s'agit entre autres d'un projet énergétique avec la construction des mini-centrales nucléaires par la Russie. Les kits solaires ont été aussi choisis pour l'éclairage des ménages et des espaces publics, un projet d'exploitation et de raffinage d'or, une infrastructure satellitaire de télécommunication et de télédétection pour l'évaluation des ressources minières agricoles et urbaines et de préparation au passage à l'économie et la monnaie digitale, la mise en place d'une banque d'un pays BRICS pour faciliter les échanges, la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Bangui Poco, le chemin de fer de désenclavement, mais aussi la création d'une nouvelle ville, la mise en œuvre de ces projets qui visent un cadre de vie décent au désenclavement du pays, aussi bien au niveau des infrastructures physiques et digitales que des industries minières et des services de base, se fait selon la vision du pays et conformément au plan stratégique de BRICS. Alliance pour l'Afrique a déclaré à Wadon Melo devant le président de la République centrafricaine, opposeur Faustin Archange Touadéra. Cette vision stratégique est tirée elle-même de l'agenda 2063 de l'Union africaine avec l'accompagnement d'un cabinet d'expertise africaine pour s'assurer de la prise en compte du principe gagnant-gagnant, du passage d'une économie primaire à une économie secondaire, de la promotion de l'expertise et de l'entrepreneuriat africain. Pour célébrer la mise en œuvre de ces projets, l'appropriation scientifique, technique et technologique, l'Alliance des BRICS souhaite, à l'instar de plusieurs pays africains, l'accélération du développement des infrastructures. Pour parvenir à la réalisation de ces projets, l'Alliance des BRICS procédera à la mise en place d'un comité mixte de pilotage et d'un pôle d'experts nationaux capables d'assister le comité de pilotage pour la mise en œuvre rapide. La vitesse d'exécution des projets sera proportionnelle à la quantité, la qualité et la diversité de ce pôle d'experts dans un cadre certifié aux normes internationales. À l'heure du basculement du monde en général et du continent africain en particulier, la République centrafricaine, qui joue déjà la carte de la souveraineté, veut tirer meilleur profit d'un monde multipolaire en construction. Alors, je vous retrouve rapidement, monsieur Awadon Melo, vu que vous étiez d'ailleurs de la délégation, puisque représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique centrale et la République centrafricaine a d'ailleurs été récemment désignée comme étant capitale des BRICS pour l'Afrique centrale. On a donc évoqué dans ce reportage six projets. Vous nous faites savoir que c'est bien plus que six projets, sept projets avec notamment plusieurs investisseurs venus d'autres nationalités qui vont donc véritablement mettre cela en marche. Mais la première question peut-être pour nous situer sur le timing de la réalisation de ces projets. Ils commencent quand et sont censés peut-être s'arrêter, alors s'arrêter à quelle période? Eh bien, il faut savoir que le principe d'investissement des BRICS en Afrique, tel que nous avons formulé dans le plan stratégique BRICS Afrique, porté par l'Alliance des BRICS, parce qu'il faut faire la différence entre les BRICS et l'Alliance des BRICS. Les BRICS, c'est les cinq pays dont il est question, et l'Alliance des BRICS a pour rôle d'établir un pont entre les BRICS et les non-BRICS. Et donc, c'est vraiment l'une des dernières organisations nées qui fait ce travail-là. Et elle est dirigée par une Russe qui a initié ce programme d'établissement de liens entre les pays BRICS et les pays non membres de BRICS. Et donc, le plan stratégique qui a été élaboré, c'est qu'il faut que ces projets-là soient portés d'abord par l'expertise, par les différents États et par l'expertise nationale. Or, le drame dans la plupart des pays africains, c'est que nous n'avons pas un pôle d'experts dédiés à la conception et à la mise en œuvre des grands projets de l'État. Ce pôle d'experts-là, tant que ça n'existe pas, et que nous avons de petits pôles d'expertise au niveau des différents ministères, eh bien, on ne pourra pas faire de grands projets, sinon que de petits projets. Et donc, la première condition que nous avons posée, c'est la mise en place d'un comité de pilotage et d'un pôle d'expertise. Le comité de pilotage va permettre de coordonner

véritablement trouver désormais l'emploi du côté de la République centrafricaine. Quel regard portez-vous, professeur Nicolas Gbou, sur ce cas d'étude qui est d'ailleurs sous notre table dans le cadre de cette édition? Bien, merci. Je soutiens tout ce qui a été dit. Moi, mon souci, il est toujours le même. Hein. Chez nous, on dit quand un serpent t'a mordu une fois, même un simple ver de terre passe sur tes bras et non sur tes pieds et tu as le frisson. L'Afrique a été tellement meurtrie que tout ce qui est en train de se mettre en place dans le nouvel ordre mondial, moi je souhaite toujours que l'Afrique se prenne véritablement en charge. Elle peut coopérer bien sûr dans les BRICS, etc. Mais l'Afrique a les moyens objectifs, je dis bien moyens objectifs de battre monnaie. À partir de la monnaie, tout est possible. Je reprends, même si ça peut gêner, l'Afrique a les moyens objectifs de battre sa propre monnaie unique africaine. L'Afrique a les moyens humains. L'Afrique a toutes les ressources naturelles. C'est ça. Les autres, les BRICS, etc., tous ceux qui viennent, ils sont basés en arrière-plan sur leur race. Ils ont leurs racines chez eux. L'Afrique ne doit pas rester comme ça en l'air. C'est sur ça que moi j'attire l'attention des Africains. C'est ce que je voudrais simplement ajouter, qu'il faut que l'Afrique batte monnaie. L'Afrique, à partir de là, l'Afrique peut faire tout ce qu'elle a envie de faire, soit seule, mais surtout en coopération avec les autres, comme les BRICS. Parce qu'en matière d'affaires, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a pas de pitié. Il ne faut pas, parce que ça c'est nouveau. Mais les êtres humains sont des êtres humains. Voilà, sans trop m'attarder, ce que je vais dire, en harmonie avec tout ce que le ministre Don Melo vient de dire, j'ai dit et je répète, l'Afrique doit battre monnaie pour se rendre véritablement en charge. Voilà. À partir de là, l'Afrique doit s'unir. C'est ce que mon frère Fassan Ndengue a rappelé avec Nkrumah. Il n'y a pas de salut de l'Afrique en dehors de son unité politique. Une Afrique politiquement unie devient immédiatement même la quatrième puissance du monde. Et par la suite, elle deviendra la première. Mais nous sommes là en train de regarder ailleurs. Voilà ce que je voulais simplement ajouter. Je reprends et je résume. Avec le nouvel ordre mondial, l'Afrique doit avoir dans la tête qu'elle doit s'unir politiquement. Et c'est une décision politique. L'Afrique unie aura sa propre monnaie. L'Afrique unie aura sa propre défense. L'Afrique unie aura son industrialisation, c'est-à-dire la transformation chez elle de toutes les matières premières en produits finis, qui génère de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, la clé de valeur ajoutée, élimine la pauvreté. Et enfin, l'Afrique pourra faire la résurgence de son passé glorieux que nous appelons la solution anthropologique. Pour nous, en dehors de ces quatre solutions, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut pour l'Afrique. L'Afrique est en train de se retarder. Je n'ai pas dit de rejeter les BRICS. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle peut opérer avec les BRICS, avec tout ça. Et je rappelle, et c'est là que je termine, qu'est-ce que le Nigeria a allé chercher ailleurs la monnaie de BRICS? Pourquoi le Nigeria, qui fait 70% dans le PIB, fait 70% du PIB des pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi le Nigeria va chercher ailleurs? Est-ce que c'est la manifestation d'un complexe d'infériorité devant les autres? L'Afrique doit maintenant, ici et maintenant, se prendre en charge.

Parce que si vous changez le naira fiduciaire en bitcoin, évidemment, le naira va chuter, la valeur du naira va chuter. Et c'est ce qui s'était passé pratiquement pendant un mois. Ils ont accéléré le processus afin qu'évidemment, ils rentrent dans cet écosystème qui est numérique, même si le naira est une monnaie centralisée, ce qui est tout à fait normal. Le deuxième risque, et je sors par là définitivement, c'est un risque de désintermédiation pour les banques. Les banques qui ne vont pas se pencher véritablement sur la question de ces monnaies digitales-là et qui ne vont pas revoir leur système de fonctionnement de fond en comble risquent de perdre véritablement leur place d'intermédiaire. Et perdre leur place d'intermédiaire signifie qu'une clientèle suffisamment importante va s'orienter vers la finance décentralisée, c'est-à-dire, n'est-ce pas, vers cet écosystème que les banques ne pourront pas contrôler. Et ce serait dommage. Merci à vous, docteur. Jean-René Douma, monsieur Awadon Milo, on va officiellement sortir, donc voilà, définitivement sortir de ce programme. Merci infiniment à vous pour votre disponibilité dans le cadre de ces échanges sur Afrique Média Télévision. Merci. Mais vraiment, je tiens à remercier tout le monde, surtout la contribution. Sachez que le cas centrafricain, c'est une expérience concrète. Je dirais même une première dans un pays non BRICS. Et le choix des acteurs, des opérateurs économiques qui vont intervenir, n'a pas été fait vraiment au hasard, très haut niveau. Et leur capacité a fait l'objet d'énormes discussions et d'échanges pour mobiliser suffisamment leurs ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets. Mais il faut aussi comprendre que le leadership du président Ouattara a joué pour 80%, parce que c'est son désir de faire un saut technologique qui a conduit au choix des projets qui ont été identifiés. S'il n'avait pas ce désir de faire un saut technologique et de chercher tout simplement à jouer dans la cour des petits, eh bien, on n'aurait pas arrivé à ce résultat. Donc, le leadership centrafricain est à saluer dans le choix de ces projets-là, qui n'était pas facile à opérer, mais il a fait peser de tout son poids pour dire que non, lui, il veut le meilleur de chacun des pays des BRICS pour son pays. Et donc, c'est le meilleur de chacun de ces pays-là qu'on a essayé de sélectionner pour son pays, avec ceux qui ont la capacité de leur mise en œuvre. Donc, il veut en faire un modèle, les BRICS Alliance aussi veulent en faire un modèle pour semer les graines d'un partenariat gagnant-gagnant dans nos futurs rapports avec les autres parties du monde. Parce que c'est à travers ce rapport gagnant-gagnant-là que nous pourrons modifier les autres rapports que nous avons tissés jusque-là avec l'Occident pour que l'Afrique puisse passer d'une économie primaire à une économie industrialisée, parce que c'est la seule condition pour absorber la masse des jeunes qui ont besoin d'espoir d'une économie moderne et non d'une économie traditionnelle qui relève du temps passé et dont ils n'en veulent plus, sinon que vouloir épouser leur temps. Merci. Merci infiniment à vous, M. Awadon Melo. Merci à la réalisation qui nous a accordé une rallonge de 25 minutes. Cela n'arrive pas tous les soirs. Merci infiniment à vous, professeur François Dingue. On aura donc compris, en tout cas, le meilleur de chaque pays des BRICS sera représenté du côté de la République centrafricaine. De quoi certainement vous faire saliver davantage. Professeur Nicolas Agbo, vous avez été des nôtres. Docteur Jean-René Douma, économiste également. Merci infiniment à vous d'avoir été là. Merci à toute la partie technique et à vous, très chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivi le temps de cette édition de Géoéconomie qui se referme. On se dit à très bientôt, économiquement à votre, bien sûr. Merci. Afrique Média.